السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، فاليوم ما زلنا إن شاء الله تعالى مع صحيح الجامع. Nous sommes toujours, inshallah ta'ala, cette soirée avec Sahih al-Jama' Cheikh Muhaddis al-Asr, Cheikh al-Albani, alayhi rahmatullah. Hier, on s'était arrêté, je crois, si j'ai pas oublié, أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. Le prophète, alayhi sallam, a dit le meilleur jihad, c'est de faire jihad à soi-même, à son âme, à ses désirs, à ses tentations, afin de les bloquer, et de ne faire que ce que Allah Azza wa Jal aime, ce que Allah Azza wa Jal aime. J'avais dit que Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit, yani c'est étonnant comment quelqu'un parle du jihad, le jihad des ennemis extérieurs, alors qu'il n'a pas fait le jihad à lui-même, à son ennemi le grand shaitan, et son ennemi l'âme qui est entre ses flancs ici, à droite et à gauche. Il y a le shaitan qui est là, c'est lui qui guide. C'est lui qui te dit, fais ceci, fais cela, ce qui est haram. Il dit ça, il n'a pas pu encore triompher sur son âme, sur ce shaitan. Et celui-là, il veut faire le grand jihad. Il ne pourra pas, bien sûr. On a parlé d'un afdal salat, salatu fi awwali waqtiha. Ala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, afdal salati, afdal al-a'mali, salatu fi awwali waqtiha. Le prophète alayhi sallam a dit, la meilleure ou bien les meilleures des actions, c'est de faire la prière en son première heure, là, en sa première heure. Parce que chaque, comme dans un autre hadith authentique, chaque prière a un début et une fin. Chaque prière a un début, on ne peut pas faire la prière avant son début, et une fin, on ne peut pas faire la prière après sa fin. On doit la faire au milieu, entre le début et la fin. Plus on est du côté du début, plus les hasanats sont grandes, plus les bienfaits chez Allah subhanahu wa ta'ala sont beaucoup plus grands. Plus on laisse vers la fin, plus les hasanats deviennent petites. Le nombre rétrécit. Et si on la fait sortir, alors, au lieu d'avoir des hasanats, on va avoir un péché. Et laisser une prière sortir, c'est un des grands péchés. Laisser une seule prière sortir, ne pas la faire en son heure, sans raison valable, ni maladie, ni oubli, ni sommeil, ni rien, sans raison valable, être assis et dire après je la ferai, celui-là, il a fait un grand péché. Il faut qu'il fasse vite le repentir pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Donc les gens doivent savoir que Allah Azza wa Jal ne t'a pas dit seulement de faire la prière, mais il t'a dit de la faire en son heure. C'est très important. Faire la prière, d'accord, mais en son heure. C'est comme à peu près, si je puis dire, je te donne un travail, mais tu le fais en une semaine. Voilà, comme ça on s'est entendu. Moi, quand tu m'amènes ce travail après un mois, ça m'intéresse plus. On s'est entendu, tu fais un travail, en une semaine, je te donne le temps. Là, Azzawajal, on a fait avec lui des pactes qu'on doit lui obéir et il nous a promis qu'il nous rentrera au paradis. Parmi les pactes qu'on a fait, c'est de faire la prière en son heure. Pas après et pas avant son heure. Tout m'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afdal al-a'mal. أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, comme celui-là, c'est un hadith bon, il a dit la meilleure ou bien la meilleure des actions, c'est que tu fasses rentrer, أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا, c'est que tu fasses de sorte que tu fasses rentrer le sourire, yani sur ton frère, le croyant. comment on fait? On lui fait rentrer le sourire, car quand il a des problèmes, on l'aide en la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'on voit qu'il a souri, qu'alhamdoulilah il n'est plus comme il était angoissé, il était perplexe, il était en pensée, comment vais-je faire, comment sortir de ce problème, etc. Ensuite toi, tu l'aides, car ce n'est pas à cause de son visage, mais à cause du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'aides pas parce que demain tu diras j'aurai besoin de lui. C'est pour ça que les gens qui n'aident pas au visage d'Allah choisissent. Si c'est par exemple un riche ou là, il l'aide. Si c'est un autre, il l'aide pas. Nous, quand on fait quelque chose, on l'a fait au visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que tu fasses rentrer le sourire. Tu lui fais rentrer le sourire. Ou taqdi anhu daynan. Ou bien, quelqu'un qui est endetté par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu payes ses dettes. Ou bien tu lui donnes l'argent pour payer ses dettes. Ça, bien sûr, c'est un grand, cher Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand, grand, grand bienfait. C'est pour ça que il est permis, question de zakat, quand on doit sortir l'argent de la zakat, il est permis de donner l'argent à quelqu'un qui a des dettes, qui est endetté. Mais les ulama ont dit, il faut qu'il soit endetté par le halal, pas par le haram. C'est pas quelqu'un qui est endetté parce qu'il avait acheté de la drogue, il a pas payé. Celui-là, on lui donne pas. Bien quelqu'un qui achète, par exemple, des choses de, je ne sais pas, de musique, etc. Ensuite, lui, on lui paye les dettes avec la zakat. Ça, c'est haram. Tu payes à quelqu'un les dettes halal, les dettes licites. Il a acheté une maison, il a pas payé. Il a acheté une voiture, il a pas payé. Celui-là, on l'aide avec la zakat, surtout si c'est quelqu'un de la famille. Car beaucoup de gens ne savent pas que quand quelqu'un est endetté, qu'il est de la famille, même si c'est notre père ou notre mère ou notre femme ou nos enfants, s'ils sont les dettes, on peut leur donner de la zakat. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Non, mais ils disent ils rentrent pas dans les 8. Ils rentrent où? Ils rentrent avec les dettes. La juge a dit ou le gharimin. Il a dit quelqu'un il a les dettes, tu lui donnes. Mon père il a les dettes, je lui donne. Ma mère a des dettes, je lui donne. Je commence d'abord par les plus proches. Ensuite il a dit ou bien tu donnes à quelqu'un un pain pour manger. Bien sûr, maintenant si tu donnes à quelqu'un un bout de pain, c'est sûr qu'il ne va pas être convaincu, mais on peut aller donner à quelqu'un à manger de ce qu'on mange nous, ou bien lui payer quelque chose et aller dans un restaurant ou lui acheter. On peut aller au marché, prendre un couffin et lui acheter des choses, pommes de terre, ceci, les fruits, etc. On lui dit ça c'est pour toi, prends-le à la maison. Ça c'est inshallah ta'ala indallah subhanahu wa ta'ala ajra adim. Tout ça, la personne trouvera ça demain lorsqu'elle rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, et ce jour-là elle saura que qassarat kathiran, yani que elle avait beaucoup d'issues et de portes pour faire les biens et n'a pas fait. Naam, on a beaucoup d'issues pour faire les biens et les hasanat, et le shaitan nous fait oublier. Le shaitan nous laisse à quoi? Nous laisse en train de se disputer avec nous-mêmes, avec nos frères avec frères et sœurs avec sœurs. On se dispute sur des choses dont on n'est pas obligé de se disputer, car on marche tous avec des dalils. On marche pas j'ai pas marché de ma tête. J'ai suivi Cheikh Ibn Uthaymeen qui a dit ça. Parce qu'il a dit, moi j'ai suivi Cheikh Ibn Baz qui a dit ça. Celui-là ne marche pas de sa tête. Mais ils sont là en train de se disputer du matin au soir et de faire rire les gens contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala nihdiyana. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui a un peu rapport avec celui-là, il a dit, afdalu sadaqa, la meilleure façon de faire le monde, afdalu sadaqa, anta saddaqa wa anta sahih shahih. C'est que tu la fasses, cet aumône. C'est que tu la fasses lorsque tu es en bonne santé et avare. Car quand on est en bonne santé, on est riche, on est avare, bien sûr. On est avare, on se dit, on est en bonne santé, on est jeune, on va vivre encore 40 ou 50 ans. Comme ça, le shaitan il te dit, tu vas vivre encore 40 ou 50 ans. Donc, j'aurai besoin de l'argent. Moi, ça ne me suffit pas. Je ne peux pas donner aux pauvres. Je ne peux pas faire l'aumône. Je vais vivre beaucoup, je suis jeune, je suis pauvre, j'ai peur. J'ai peur demain que je sois pauvre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est dans ce hadith, wa anta sahih, alors que tu es en bonne santé, shahih, avare, ta'mal al-ghina wa takhsha al-faqr. Yani, donne le temps que tu es sahih, comme je viens de dire, en même temps tu es avare, et en même temps que tu as peur de ta'mal al-ghina, yani, tu souhaites être riche, et tu as peur de la pauvreté. C'est maintenant qu'il faut donner. C'est maintenant. C'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa la tumhil » et « N'attends pas ». »« N'attends pas »« Hatta ida balagatil hulqum » »« N'attends pas jusqu'à ce que, au moment où tu commences à agoniser, qu'est-ce que tu vas dire ?« Li fulan kada ou li fulan kada »« Ala wa qad kana li fulan kada » N'attends pas le moment où tu vas agoniser, tu sais que ça y est, tu vas mourir, tu commences à dire « Donnez à celui-là 1000 euros, donnez à celui-là 500, donnez à celui-là. » Maintenant, tu vas agoniser. Bien sûr, Inch'Allah Ta'ala, tu as agi, mais il fallait quoi? Il fallait le faire quand tu étais fort et quand tu avais peur. Tu avais peur de devenir quoi? De devenir pauvre. Mais maintenant, yani, tu sais que tu vas mourir bientôt. C'est pour ça que, yani, en ce temps-là, tout le monde voudrait faire le bien. Donc, c'est pas un signe. C'est pas un signe de quoi? De sincérité. Ce n'est pas un signe de sincérité. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ce hadith, je crois que je l'ai dit déjà une fois, je suis sûr de l'avoir dit. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, afdalu salawat indallahi salatu subhi yawm al-jumu'ati fi jama'a. Il a dit, la meilleure des prières chez Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des prières, c'est la prière du matin, salat subh. La prière, salat subh le matin, yawm al-jumu'a. Yawm al-jumu'a, le vendredi, en groupe. Donc la meilleure prière, je l'ai dit déjà une fois, la meilleure prière chez Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime, c'est quand on fait la prière du vendredi, pas le vendredi Allah, le matin Fajr, la prière du Fajr avec les gens yani à la mosquée. Il a dit celle-là, c'est la meilleure prière, donc c'est une prière bien sûr pour les hommes. Summa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, afdalu as-sawmi صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لقي. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du siyam, du jeûne. Il a dit le meilleur jeûne hada, c'est quoi? C'est le jeûne que faisait mon frère Daoud alayhi salatu salam, le prophète Daoud alayhi salam. Comment qu'il faisait? Il a dit كان يصوم يوما ويفطر يوما. Il faisait un jour il jeûnait, un jour il mangeait. Un jour il jeûnait, un jour il mangeait, jusqu'à ce qu'il mourût. Donc celui-là, bien sûr, c'est le meilleur jeûne ou façon de jeûner عند Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je voudrais vous dire une chose, ce n'est pas une chose facile. C'est pour ça que, toujours avant de commencer une chose, peut-être certains vont entendre maintenant ce hadith, il va dire demain je commence, jour par jour. Ensuite, il va faire quoi? Il va le faire certains jours seulement, ensuite il va s'arrêter. Il va le faire certains jours seulement, ensuite il va s'arrêter. C'est pour ça que il est conseillé à quelqu'un, quand il commence une chose, de ne pas l'arrêter. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afdal amal ma qalla wa dama. Il a dit la meilleure ou les meilleures des actions, c'est ma qalla, yani qu'il soit pas beaucoup, mais dame, mais il est toujours, yani. C'est pas quelque chose qu'on fait un jour, ensuite on arrête. On fait un mois, ensuite on arrête. Mais c'est quelque chose qu'on fait toujours. C'est pour ça que, par exemple, je vais donner un exemple très simple. Par exemple, il y a cette façon de faire le jeûne. Tu manges un jour, tu jeûnes un jour. Tu manges un jour, tu jeûnes un jour. Je suis sûr, c'est pas pour affaiblir les gens. Je suis sûr que si la plupart vont la commencer, sur 100, il y a un qui va tenir, un ou deux. Qui va tenir comme ça, 20, 30 ou 40 ans. Je suis sûr, il y a peut-être un ou deux qui vont tenir. Alhamdoulilah, ceux qui peuvent, qu'il le fasse, c'est le meilleur. Mais je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, lui, il faisait des fois lundi, jeudi. Il faisait beaucoup le 13, 14, 15 de chaque mois. 13, 14, 15. Et dans un autre hadith de Muslim, Sahih Muslim, il a dit qu'il faisait 3 jours chaque mois. Et Aïcha a dit, il ne donnait pas l'importance. Est-ce au début du mois, au milieu ou à la fin? Donc celui qui peut, même ça peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est difficile. Celui qui peut, s'il peut faire seulement trois jours par mois. Il dit, ma fiche saute. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Donc c'est toi qui n'as pas de son lien. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait trois jours par mois. Et les meilleurs jours, ce sont, comme vous le savez, le 13, 14, 15 arabe. Yani, mois arabe. Le 13, 14, 15, ceux qui n'ont pas le calendrier pour savoir le 13, 14, 15, c'est quoi? C'est tu regardes seulement la lune. Quand la lune est pleine, elle est khlas, elle est un rond, elle est ronde, ensuite elle est blanche, de façon à ce que si on éteint toutes les lumières, c'est comme si elles étaient allumées, tellement elle est puissante sa lumière. C'est pendant ces trois jours-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire le siyam. Ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam, afdalu siyam ba'da ramadan الشهر الذي تدعونه المحرم. نعم أفضل صيام. Ensuite il a dit صلى الله عليه وسلم, le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, أفضل يعني d'abord le mois de Ramadan, il vient en première place. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de le faire. Ensuite vient le deuxième, la deuxième place directement après le Ramadan, c'est quoi? C'est الشهر المحرم. Il y a un mois qui s'appelle المحرم, celui-là, celui qui peut faire beaucoup de jours dans ce mois, aussi il aura de grands ajr. Pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs mois, et encore c'est le deuxième mois juste qui vient juste après Ramadan. Maintenant je voudrais que vous sachiez une chose, Inch'Allah Ta'ala, c'est que pourquoi par exemple il est préférable de faire par exemple comme ça des jours, par exemple de jeûne, et ou bien de faire des prières comme ça sur érogatoire, nafila, etc. Pourquoi? Parce que quand on fait les obligations, je fais 5 prières par jour et je m'arrête. Subh, dhuhr, asr, maghrib, isha. Je fais le carême seulement le ramadan, etc. Je fais la zakat seulement quand j'ai l'argent. Je donne pas yani comme ça sans la zakat. Donc quand on fait les obligations, ce n'est pas un signe que quoi? Qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est un signe que quoi? C'est un signe qu'on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait l'obligation. Mais personne ne peut yom al-qiyamah, personne ne peut dire à Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi ce que tu m'as promis, j'ai fait ceci, cela. Tu n'as fait que l'obligatoire. Tu n'as pas fait quelque chose de plus qui montre que tu es sincère et que tu l'aimes, Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand on aime quelqu'un, on fait des choses yani, sans demander de contrepartie. C'est pour ça que plusieurs fois je vous ai donné cet exemple. Quand je fais venir quelqu'un qui travaille chez moi, par exemple, de 8h du matin à 5h de l'après-midi, avec par exemple 10 euros par jour, quand il termine à 5h, yani, il me dit voilà, j'ai terminé. En principe, il n'a pas fait grand-chose. Il fait contre 10 euros. Je lui donne de l'argent par jour. Je le paye. Tu veux pas, je ramène un autre. Mais si par exemple, au lieu de terminer à 5h, il ajoute encore 2h, de 5h l'après-midi à 7h de l'après-midi, sans qu'il me demande en contrepartie, il touche seulement les 10 euros, celui-là, ça veut dire vraiment qu'il tient à moi et qu'il m'aime. Pourquoi? Il a fait 2 heures en plus et il ne m'a rien demandé. Là, quand tu fais la neuf, il a en plus, ça c'est un signe que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et que tu voudrais te rapprocher de lui. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal lui-même a dit dans un hadith Qudsi, il est sahih, il a dit ma min shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'ala 'abdi. Il n'y a pas quelque chose que j'aime que comme les obligations. Il fait, je demande à ma créature, mon serviteur, qu'il fasse les obligations. Donc Allah Azza wa Jal aime les obligations. Mais il n'a pas dit j'aime la personne. Il a dit j'aime les obligations. Ensuite il a dit wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Subhanallah al-Azim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez bien ce hadith qui est chez Bukhari et les autres. Il n'y a pas quelque chose que j'aime, c'est Allah Ta'ala qui dit. Il n'y a pas quelque chose que j'aime comme les obligations. Ensuite, et ma créature ou mon serviteur, il est de plus en plus, il se rapproche de moi avec quoi? Avec les nafilettes. Avec les nafilas. Quand il fait les choses surérogatoires, qui sont seulement conseillés, ils ne sont pas obligés, il les a faites. Donc jusqu'à ce que je l'aime, subhanallah al-azim, jusqu'à ce que je l'aime, il est toujours en train de se rapprocher vers moi avec les nafilettes, pas avec les obligations, avec les nafilettes, jusqu'à ce que je l'aime. Donc quiconque veut que Allah Azza wa Jalla l'aime, qu'il fasse des nafilettes. Il y a certains gens qui ne font que 5 prières par jour. Subh, dhuhr, maghrib, asr, maghrib, isha. tout juste s'il fait l'huître tout juste, hein, une raka, et il te dit khlas, ça suffit, j'en ai marre, je suis fatigué. 5 prières par jour. Il n'a pas les 12, les 12 dont on parle souvent. Il n'a pas salat al-duha, il n'a pas yani de nawafil. S'il fait le siyam, il a seulement le mois de Ramadan. Il ne fait jamais un lundi, jeudi. Il ne fait jamais un 13, 14, 15. Jamais. Alors celui-là, comment Allah Azza wa Jalla va-t-il l'aimer? Lui qui a dit, si quelqu'un veut que je l'aime, qu'il fasse les nawafil. Ensuite, si Allah Azza wa Jalla aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il lui dit dans le même hadith, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ و يعني اون ديزورد ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لا اعطينه ولئن استعاذني لا اعيذنه سبحان الله العظيم الى دي اي لا بيرسون يعني اون تران دو فير لي نافيلات جوسكا سكو جو لام سي جو لام سي جو جام كيلكا الى دي جو سوري سون ريغار افيك لوكيل il regarde سون وي افيك لاكيل il écoute سي ما افيك لكيل il prend سي بي افيك لكيل il marche لا حول ولا قوه الا بالله. Imaginez comment Allah Azza wa Jal peut-il être mon regard, peut-il être mes mains, mes pieds, et peut-il être yani, mon ouïe. C'est lui qui entend. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les ulama ont dit, tellement Allah Azza wa Jal tu as fait de neuf, il n'a pas aimé, que maintenant, c'est lui, subhanallah al-azim, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te guide. Tu veux regarder le haram, il te pousse de l'autre côté, tu regardes le halal. Tu veux écouter quelque chose de haram, la musique ou là, il te fait oublier, tu pars de l'autre côté, tu n'écoutes pas la musique. Tu veux tendre ta main pour faire le haram ou toucher quelque chose de haram, il te détourne la main de l'autre côté. Tu veux aller vers un endroit qui est haram, il te fait oublier, tu vas vers un autre endroit. Allah Azza wa Jalla te guide, comme il a dit dans hadith muslim, je crois que c'est muslim, il a dit bi yasma, c'est avec moi qu'il regarde, ou bi yara, c'est avec moi qu'il regarde, qu'il écoute, ou bi yamshi, c'est avec moi qu'il marche, ou bi yaptish, c'est avec moi yani qu'il prend. La hawla wa la quwwata illa billah. Non, tu sortes. Je disais que la hawla wa la quwwata. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour faire au moins un peu de nafila. Au moins, si on pouvait, au moins trois jours de jeûne par mois. Trois jours, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'a jamais laissé passer trois jours au moins par mois. Laissant le hadith sahih où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith sahih où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le jeûne jusqu'à ce qu'on disait il n'allait pas arrêter, ensuite manger jusqu'à ce qu'on disait il n'allait pas faire le jeûne. Des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam on faisait yani, comme ça à suivre 10, 15, 20, 25 jours de suite. Donc, il le faisait jusqu'à dire là celui-là il ne va plus manger. Ensuite, il mange. Ensuite, il laisse comme ça. 10, 15, 20 jours, il ne fait rien. Ensuite, il reprend. 10, 15, 20 jours. La suite. Mais celui qui peut. Je donne d'abord la nasiha à qui? Je la donne à moi-même. Moi-même, qui suis peut-être plus faible que vous. Moi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'aide pour que je commence à faire 3 jours, au moins, et si ce n'est pas tous les mois, au moins un mois par mois. Donc, je vous donne un conseil, quiconque peut faire 3 jours par mois, je lui dis pas tous les mois, je lui dis s'il peut. Yani 3 jours, vous remarquez que ce n'est pas beaucoup 3 jours. Ensuite, quand il commence à les faire, ça devient très facile. Ça devient très facile qu'il ne voudrait plus les lâcher. Allah subhanahu wa ta'ala nu'inana. Allah subhanahu wa ta'ala nu'inana, on ihdiyana, on yakuna lana. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce hadith sahih, numéro 1128. Il a dit أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. نعم. Il donne ici un signe pour savoir quel est le meilleur des croyants. Maintenant nous sommes tous croyants, alhamdoulilah, nous faisons tous la prière, nous faisons tous le carême, nous allons tous al hajj inshallah si on a de l'argent. Donc quel est le meilleur d'entre nous? Comment on va savoir? C'est pas de nos têtes comme ça qu'on va savoir. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné un signe. Il a dit le meilleur des croyants, c'est celui qui a le meilleur comportement que les autres. L'âme, celui qui a le meilleur comportement que les autres. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit, le jour de la résurrection, vous savez qu'il y a une balance. Il a dit, il n'y a pas plus lourd. Il n'y a pas de chose plus lourde sur la balance que le bon comportement. Il n'y a pas quelque chose qu'on va mettre et qui va faire descendre la balance comme ça vite et un effort comme celui lorsqu'on va mettre son bon comportement sur la balance. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith sahih, il a dit, أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. Celui qui sera le plus près de moi le jour du jugement dernier, celui sera celui qui aura le meilleur comportement. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. Il est très très très malheureux de voir des frères avec une barbe assez longue mais loin du bon comportement. Cela, mal asaf, ils donnent une très mauvaise image de l'islam. Ensuite quoi? Ensuite, peut-être même, ils vont faire fuir les gens de l'islam. Les gens ne connaissent pas l'islam. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, j'ai vu quelqu'un avec une barbe qui faisait un demi-mètre en train de dire cela, cela, en train de dire des gros mots, en train. Et je connais des barbus, des menteurs et ça. Donc celui-là, il a été la faute. Pourquoi? Pour faire de sorte que les gens ne veulent plus rentrer en islam. Et comme, si tu es la cause pour faire rentrer quelqu'un en islam et tu auras de grands hasanat, c'est la même chose et le sens contraire qu'ISAX, si tu seras la cause pour faire fuir quelqu'un de l'islam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna minkum la munafirin. Il a dit, il y a de vous des gens qui font fuir. Il y a de vous des gens qui font fuir les autres. C'est pour ça que, yani, si quelqu'un avait un mauvais comportement, s'il se tait seulement, il ne parle pas, parce que s'il parle, il va parler au nom de l'islam. S'il se tait seulement, il a un ajr, inshallah. Il se tait, on ne lui demande pas plus de cela. Qu'il se tait seulement, afin qu'il ne donne pas une mauvaise impression ou une mauvaise image de l'islam. L'islam, c'est qui? C'est la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi, tu donnes une mauvaise image sur seulement yani, quelqu'un de ta famille, il n'accepte pas. Imagine-toi, tu vas donner une mauvaise image sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus belle, la plus propre, la plus sainte, la plus pure. Toi, tu vas donner une mauvaise image et les gens vont fuir de l'islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Afdalu nisa'i ahli al-jannah, les meilleures des femmes du paradis, Khadija bint Khuwaylid. Khadija, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a épousée sallallahu alayhi wa sallam, il était très jeune, il avait 25 ans, elle en avait 40 ou 45. Il en avait 25, elle en avait 40 ou 45. Et elle était déjà mariée deux fois et divorcée. C'était la troisième fois qu'elle allait se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui l'a soutenu et l'a aidé à raffermir son cœur. Car c'était elle, elle était son épouse lorsque, sallallahu alayhi wa sallam, pour la première fois, Jibril lui est venu et lui a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est venu, il est allé à la maison tremblant, mourant de peur. Il ne savait plus ce qui s'est passé. Tremblant avec la fièvre. Zemmilouni, il a dit. Zemmilouni, dessirouni, comme dans le Coran. L'Azaj a dit, Yuhal Muzammil. Il a dit, yani, couvrez-moi avec les couvertures. Pourquoi? Il avait la fièvre froide, tellement il a tremblé. Mais elle était avec lui. Elle lui a dit, yani, tu n'es pas le genre que l'Azawajal, yani, va t'égarer ou là. Ensuite, elle lui a dit, ce qu'il avait de bien. Elle lui a dit que, qu'il aimait, elle l'a fait rappeler. Elle lui a dit, toi tu es le genre qui aime les invités, tu es le genre qui aide les gens sur foi de Naam, tu es le genre qui aide les gens qui n'ont pas d'argent, tu es le genre qui marche avec les gens dans leurs problèmes, etc. Donc elle lui a raffermi son cœur. C'est pour ça qu'il l'a beaucoup aimé, au point où lorsqu'elle est morte, sallallahu alayhi wa sallam, yani, il a senti des chagrins, yani, comme pas d'eux. Beaucoup de chagrins. Il a tellement aimé, au point où, radiallahu ta'ala anha, il a aimé après sa morte, yani il n'a pas rompu les liens avec ses amis à elle, ses amis qu'elle aimait, elle, les femmes qu'elle aimait, les hommes qu'elle aimait, ses parents, etc. Il a gardé les liens avec eux, tellement il l'a aimé. Quand on aime quelqu'un, on aime les gens qu'il aime. L'ami de mon ami, c'est mon ami, tout le monde sait ça. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Donc Khadija bint Khuwaylid radhiyallahu ta'ala anha, c'est la seule avec laquelle il a eu les quatre filles et les trois garçons. C'est la seule avec laquelle il a eu les quatre filles, Ruqiyya, Kulthum, wa Zainab wa Fatima radhiyallahu ta'ala anhum, et l'aulad Abdullah wa al-Qasim, tandis que Ibrahim, il l'a eu de Maria. Ibrahim, il l'a eu de Maria. Et Maria, comme vous savez, ce n'est pas une épouse. Il l'avait comme Walid. On appelle cela femme, mère de son enfant. Mère de son enfant. Ensuite, c'est Khadija radiallahu ta'ala. Elle l'a beaucoup aidé dans la da'wa. Elle l'a beaucoup aidé dans la da'wa. Il a vécu beaucoup avec elle. Ensuite, la deuxième, les meilleures femmes au paradis, il a dit Fatima bint Muhammad. Fatima bint Muhammad. Sa fille Fatima radiallahu ta'ala anha. Sa fille radiallahu ta'ala anha, Fatima. Je ne savais jamais qu'elle était morte très jeune. Je croyais qu'elle était morte dans les environs de 40 ans. Et quand j'ai lu sa biographie, je me suis étonné quand j'ai su qu'elle était morte jeune. J'ai oublié son âge, mais elle était morte vraiment jeune, radiyallahu ta'ala anha. C'était la femme de Ali, la première femme de Ali, radiyallahu ta'ala anha. Ali, radiyallahu ta'ala anha, c'est le gendre du prophète Nasibou, et c'est son cousin en même temps. Il avait épousé Fatima, radiyallahu ta'ala anha, c'était sa première femme. Et Ali radiyallahu ta'ala anhu n'a jamais épousé une deuxième femme lorsque Fatima était vivante. Et quand elle est morte, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a épousé beaucoup d'autres. Mais en sa vie, il n'a jamais épousé une autre. Et même une fois, on lui a proposé une femme, c'est je crois Abu Lahab ou Abu Jahl, l'un des deux, on lui avait proposé une de ses filles à Ali radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est beaucoup énervé. Il a dit jamais, tant que je suis vivant, jamais ne se groupera la fille d'un prophète et la fille d'un ennemi d'Allah. Jamais ils seront ensemble. La fille d'un prophète et en même temps la fille d'un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite la troisième, Maryam bint Imran. Maryam, celle qui a enfanté Isa alayhi salam. Son père, bien sûr. Son père, vous savez tous, c'était son père, pour montrer l'Azzawajal le Mu'ajiza, pour montrer que l'Azzawajal était capable de faire tout faire, il fait tout ce qu'il veut. Il lui a donné un garçon, Isa alayhi salam, sans qu'elle se soit mariée, ni sans qu'elle ait connu un homme avant cela. Il lui a donné Isa alayhi salam. Donc c'est la deuxième femme, j'ai dit Khadija, Fatima, Maryam. Ensuite la quatrième, Asiya bint Muzahim. Asiya bint Muzahim. Asiya, vous devez tous la connaître, c'est sûr. C'est qui? C'est la femme du pharaon. Naam. Asiya bint Muzahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, c'est peut-être ça aide les femmes. Ça aide les femmes. Asiya, c'était la femme de qui? La femme du pharaon, Firaun. La hawla wa la quwwata illa billah. C'était sa femme. Elle était croyante et elle ira au paradis. Non seulement elle ira au paradis, elle sera l'une des meilleures femmes du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aide un peu les femmes qui disent moi mon mari il est ceci, il est cela, yani, je peux pas être croyante ou là, tout ça, inshallah ta'ala, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que bien sûr il peut te faire des entraves, etc. Mais yani, ça n'a rien à voir avec yani, il peut toucher yani, il sera yani, il peut t'empêcher du paradis ou là, impossible. Ali, c'était la femme de Pharaon, elle va aller au paradis, elle sera parmi les meilleures. Donc une femme normale, yani, bien sûr son mari s'il boit, c'est de grands problèmes, bien sûr c'est déjà le petit enfer ici. Mais inshallah ta'ala, question 2, entre elle et entre Allah, yani, Inch'Allah ta'ala, si elle a fait du bien, etc., elle sera au paradis, elle sera parmi les meilleurs bidinas, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit, اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. Pourquoi qu'il a dit ça? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, accepte le jardin et divorce-la une fois. Accepte le jardin et divorce-la une fois. Dans quelles circonstances il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam? Dans quelles circonstances il a dit ce hadith? Il a dit ce hadith quand une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, la a'tub ala thabit dinan wala khuluqan. Elle a dit, mon mari, il s'appelait Thabit ibn Qais. Elle a dit, Thabit hada, c'est mon mari. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, je ne me plains pas ni de sa religion ni de son bon comportement. Je ne dis pas, il n'a pas de din ou la, astaghfirullah, et je ne dis pas qu'il a un mauvais comportement. Lakin akrah al kufr ba'd al islam. Mais j'ai peur du kufr ba'd al islam, ça veut dire ici quoi? J'ai peur de ne pas lui donner ses droits. Les ulama ont dit dans d'autres hadiths qui ont montré qu'il était très moche. Son mari était moche et très moche même. Elle a dit, j'ai peur de ne pas lui donner ses droits. Quand quelqu'un est moche et qu'on ne l'aime pas, etc., c'est pas facile de lui donner tous ses droits. Alors elle a dit, ya Rasulallah, moi, je dis la vérité, je n'en peux pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son mari, il lui a dit d'abord à elle, tu lui rends la dot, tu lui rends la dot, et la dot c'était, il lui avait donné un jardin. Tu lui rends la dot, elle a dit, oui, je lui rends. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son mari, accepte la dot et vous séparez. Elle lui a donné la dot et ils se sont séparés. Ceci s'appelle en islam, s'appelle le khula. Ça, ce n'est pas un divorce, c'est un khula. C'est-à-dire quoi un khula? C'est-à-dire que si la femme le fait, naam, khula. Si la femme le fait, ça ne compte pas comme divorce. C'est-à-dire que vous savez que chaque homme, chaque époux, a le droit de divorcer sa femme trois fois. Il la divorce une fois, il peut la rendre si elle veut. Si la période de viduité est terminée, il veut la rendre si elle veut, elle veut. Si elle veut pas, elle veut pas. La période de viduité est terminée. Maintenant, il a trois fois. Il a une fois, peut-être, par exemple, elle accepte, il la rend. Il a la deuxième fois, il la rend. S'il la divorce la troisième, elle peut plus. Elle peut plus revenir jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre et qu'il la divorce ou bien, yani, il se sépare. El Mohim. Mais maintenant, si quelqu'un ou une femme fait le khula avec son mari, ça compte comme quoi? Comme annulation. Ça compte pas comme divorce. Non, la période de viduité dure un mois, c'est tout. C'est pas un mois, elle dure des menstrues. Une seule période de menstrues. Il vaut mieux de ne pas parler de mois, car les gens vont croire que c'est des mois, ils vont dire 30 jours exactement, etc. Dès que les menstrues se terminent, elle prend la douche, elle n'est plus sa femme. Je disais que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle, yani, une annulation. Fesr. Ce n'est pas un talaq, c'est une annulation, ça s'appelle un fesr. Ce khula, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pour ça que beaucoup de lois ne le connaissent pas. D'ailleurs, le khula, là, il n'est entré en Algérie que ça fait seulement quelques années, c'est tout. Ça fait seulement quelques années. Je ne sais pas qui a donné le point rouge à Ilyes. Je ne sais pas qui lui a donné le point rouge. Je disais que had le khula, là, pourtant, yani, il existe dans la sharia. Il existe dans la sharia. Et c'est seulement, ça fait peut-être 10 ans qu'il vient de rentrer en Algérie. Et maintenant, on m'a dit, ça fait peut-être 4 ou 5 ans qu'il commence à le pratiquer en Égypte. C'est quelque chose, pourtant, qui existe en islam, et les gens le font, et beaucoup de pays, etc., ne connaissent pas cela. Non. Pourquoi ça s'appelle le khula? Remarquez en arabe, hein, en arabe, le khula, c'est akhla'u, hein, je dis akhla'u saubi. Comme on dit, j'enlève ma veste. Akhla'u saubi. En arabe, on dit pas unahi. On dit akhla'u. Akhla'u saubi. Ce genre de séparation a été appelé le khula, parce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, lorsqu'il a parlé des femmes, des épouses, il a dit, hunna libasun lakum. Il a dit, vos épouses sont vos vêtements. Wa antum libasun lahun. Et vous, Antum libasuna muhunna libasun lakum. Vous, vous êtes leurs vêtements et elles sont vos vêtements. Donc ici la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enlever son vêtement. Alors, khula. Là, c'est comme si elle enlevait son vêtement d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut plus du vêtement de son mari. Donc c'est pour ça qu'il s'est appelé le khula. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit إن المختلعات هن المنافقات. C'est un hadith sahih. Il a dit إن المختلعات هن المنافقات. Il a dit celles qui font le khula, ce sont elles les hypocrites. Ce sont elles les hypocrites. Celles qui font le khula, ce sont elles les hypocrites. Ensuite, on a ce hadith où cette femme a fait le khula et le prophète sera accepté. Il a dit, c'était lui-même qui a parlé à l'homme. Il lui a dit, elle va donner cela et accepte. Donc, comment les ulama ont joué entre les deux hadiths, ils ont dit, na'am, quand une femme fait le khula sans raison valable, elle n'a aucune raison. Comme ça, elle est bien, elle est heureuse. Ensuite, elle dit, moi je préfère rester libre. J'aime pas avoir de mari, je préfère rester libre, je sors chaque soir, etc., personne ne me commande. Ensuite elle va faire le khula. Celle-là c'est une hypocrite. Inna al-munafiqat. Mais celle qui le fait à cause d'une raison, elle le fait à cause d'une raison. Son mari, par exemple, il lui donne pas ses droits, ou bien il ne dépense pas pour elle, ou bien il est très mauvais, ou bien il insulte beaucoup, ou bien il veut faire le haram avec elle, ou bien yani, elles sont dans son cœur, c'est pas elle qui est exprimée, elles sont qu'elle ne peut plus le ressentir. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de causes qui rentrent. Celle-là, elle l'a fait avec cause. Elle ne l'a pas fait parce que, comme je viens de le dire, parce qu'elle a l'intention, peut-être qu'il y a un autre qui est entre ses yeux ou là, hacha ma'abdallah. Non, elle l'a fait parce qu'elle a des causes valables. Celle-là, inshallah ta'ala, il lui est permis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر صحيح عن حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم ادي اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر النبي عليه الصلاه والسلام ادي suivez يعني quand je mourrai suivez ابا بكر وعمر suivez ce que font ابو بكر وعمر premièrement لا حول ولا قوه الا بالله premièrement ce hadith n'est-il pas يعني comme un signe, je dirais même un grand signe, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azza wa Jalla lui avait montré qu'après lui il y aura Abu Bakr wa Omar, subhanallah al-adim. Il les a dit comme ça, classé, iqtadu billadina min ba'di Abu Bakr wa Omar, la hawla wa la quwwata illa billah. Classé comme ça, il a commencé par Abu Bakr, ensuite Omar. Et vous avez remarqué comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, ou là même dans sa vie, comment qu'il était, yani très soucieux pour que ça soit toujours Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu qui fasse la salat quand il est absent. C'est pour ça quand il est tombé malade sallallahu alayhi wa sallam, il disait toujours hal salla bikum Abu Bakr, il demande à Aïcha hal salla Abu Bakr. Pourquoi? Il voulait comme ça qu'il soit lui yani quand il meurt sallallahu alayhi wa sallam, il voulait que ça soit Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Ensuite, il y a beaucoup de hadiths, je ne les ai pas là maintenant dans ma tête, qui sont des signes puissants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que Abu Bakr soit après lui. Et les autres, bien sûr, les chiites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Abu Bakr yani, a volé à Ali, a volé la khalifa ou le gouvernoir, il l'a volé à Ali. Ensuite, Omar a volé, ensuite Uthman lui a volé. Donc, qui devait être le premier? Le premier qui devait être, c'est Ali. C'est comme ça qu'ils disent, radiallahu ta'ala anhu. Et tous les ulama ont dit, que Sunnah al-Jama'a classe les quatre hadiths, les classes comme ça, Abu Bakr, Omar, Uthman, Thumma Ali. Il y a quelques-uns, une petite divergence entre Uthman et Ali, qui est le premier. Mais Sunnah al-Jama'a, la plupart disent comme ça, Abu Bakr, Omar, Uthman, Thumma Ali. Et tous sont unanimes pour dire, Il n'y a pas quelqu'un des compagnons qui connaissait le ilm plus que Abu Bakr, c'est-à-dire Abu Bakr. Il n'y a pas quelqu'un qui connaissait le ilm, la science, le Coran, la Sunna plus que Abu Bakr, c'est-à-dire. Et ils ont dit aussi, Al-Sunna al-Jama'a, ils ont dit, il n'y a pas quelqu'un que le prophète aimait plus que de tous les compagnons, plus que Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, plus que lui. Il n'y a pas quelqu'un que le prophète a aimé plus que lui. Comme lorsqu'on lui a posé des questions, il a dit des femmes c'est Aïcha, et des hommes il a dit Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Donc Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, yani, c'est pas la peine de vous dire que qu'est-ce qu'il a dépensé à cause de cet islam, qu'est-ce qu'il a souffert à cause de cet islam, et qu'est-ce qu'il a donné comme argent, et comment qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Omar radiallahu ta'ala anhu et Abu Bakr se sont une fois disputés. Ensuite Abu Bakr est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Omar est allé vers Abu Bakr pour lui demander pardon, il l'a pas trouvé. Ensuite il est parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a trouvé chez lui. Avant qu'il n'arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à dire, yani, hella taraktumu li sahibi, hella taraktumu li sahibi, yani, ne faites pas de, à peu près je dis comme ça, yani, laissez mon ami tranquille. Il parlait de Abu Bakr, laissez-le tranquille. Tous vous m'avez démenti quand je suis venu, vous avez dit c'est un menteur, sauf Abu Bakr. Tous vous n'avez pas voulu donner un sou, sauf Abu Bakr. Tout ceci, sauf Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Maintenant, les autres, les chiites, ils disent, c'est un kafir. Abu Bakr Siddiq, c'est un kafir. Omar ibn Khattab, c'est un kafir. C'est comme ça que dit aussi, avec du Liban, j'oublie comment il s'appelle, Hezbollah, le chef de Hezbollah. Il dit, tout cela sont des kuffars. Il dit, sauf Ali. Ali, quel compagnon, hein? Abdullah ibn Abbas, c'est ceux-là. Salman Farisi. Les autres, ce sont tous des kuffars. La hawla wa la quwwata illa billah. Et maintenant, il veut faire le djihad. Il va voir ce que vont lui faire les juifs. Nous, on ne souhaite pas que les juifs fassent des choses à des musulmans. Hassan Nasrallah, naam. Il va voir ce que, comme a dit Allah Azza wa Jalla, kadalik nouli ba'd zalimin bi ba'd. Il a dit, kadalik nouli ba'd zalimin bi ba'd. Jazam bima kanu yaksibun. L'Azzawajal va lui montrer que l'Azzawajal a beaucoup de soldats. Il n'y a pas un péché plus grand que de dire quoi? Que de dire que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la fornication. Et ses compagnons, c'est des kuffars. C'est pour ça que Khomeini, le grand chef, et le grand shaitan, bien sûr, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai lu une fois, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi dans sa da'wah. Le prophète alayhi wa sallam, quand il est venu à l'islam, etc., il n'a pas réussi. Jusqu'à ce que vienne le Mahdi. Le Mahdi, leur Mahdi, pas le nôtre. Le nôtre, alhamdoulilah, il est connu, et dans Sahih Bukhari, il va venir, il s'appelle Mohammed, et son père, il s'appelle Abdullah. Mais leur Mahdi à eux, non. Il est caché maintenant en Irak, Samoura. Il est dans un garage caché, sous le sous-sol, là-bas. Il ne mange pas, il ne dort pas, il ne fait pas les ablutions pour faire la prière. Et puis il ne sort pas, leur Mahdi, il ne sort pas. Maintenant, pour eux, il y a un grand djihad en Irak. Le grand djihad en Irak, et le Mahdi est caché au sous-sol. Sous-sol, c'est pas qu'il lui donne à manger, comment qu'il fait pour les ablutions. Et c'est un peureux, il se cache. Après, ils ont dit, il a le Coran, il a le vrai Coran, il est là. Il va sortir un jour avec le vrai Coran. Il est rentré à l'âge de 5 ans là-bas, on ne l'a plus revu. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment le shaitan fait d'eux. Comment le shaitan peut jouer avec les gens. Subhanallah, à ce point, je ne peux même pas réfléchir un peu. Que fait-il là? Où est-il? Pourquoi il ne sort pas pour faire le djihad? Comment il fait pour les ablutions? Comment il connaît la qibla? Qui lui donne à manger? Qui ceci? Qui cela? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Cela, comme je disais, ils disent que les compagnons de Sira, ce sont tous des kuffars, wal'iyadu billah. J'ai même entendu un d'eux, quand j'ai entendu ce qu'il a dit, si c'était possible, j'aurais demandé à Allah de mourir plutôt que d'entendre ce qu'il a dit, si c'était possible. Wallahi, je l'ai entendu de mes oreilles, comme ça dans un vidéo. Vidéo, yani, tu l'entends et tu le vois. Il a dit, toutes les fautes, qu'il y a maintenant entre les musulmans et tous les machaques, tous les problèmes, c'est la faute du prophète. Il n'a même pas dit sallallahu alayhi wa sallam. C'est la faute du prophète. Parce qu'il n'a pas montré aux gens ce qu'il fallait montrer, yani le dîn, il ne l'a pas montré. Il leur a montré seulement des choses comme ça et les autres, il les a crachés. La hawla wa la quwwata illa billah wa la'natullah 'ala al-kafirin. La'natullah 'ala al-kafirin, la'natullah 'ala al-kafirin. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas montré aux gens. Il a dit, tous les problèmes qu'on vit, c'est à cause de qui? C'est à cause du prophète. Subhanallah al-Azim. Il n'a pas dit tous les prophètes, tous les problèmes qu'on vit, c'est à cause des juifs ou de Sharon. Non. C'est à cause du prophète, il ne nous a pas montré, il nous a laissé comme ça. Nous a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Bien sûr, ils disent que le Coran ce n'est pas notre Coran. Le Coran, c'est le Coran de Fatima, qui est caché chez l'Askari, qui est caché dans le sous-sol en Irak, à Samora, la ville qui s'appelle Samora. Il est caché là-bas avec un Coran. Ce Coran, il n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'ayats. Il y a beaucoup d'ayats qui sont dans ce Coran, qui ont été supprimés. Comme ça, ils disent. Ils disent, où est la sourate de la wilaya? Il y a une sourate qui parle spécialement de Ali, qui dit que Ali, c'est lui qui va être après le prophète. Pourquoi vous l'avez enlevé du Coran? C'est comme ça qu'ils disent. Ils disent, vous l'avez enlevé du Coran. Donc, les chiites, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit du mal sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait que tu dises du mal sur le prophète, c'est que tu as dit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car ça veut dire que Allah azzawajal n'a pas aidé le prophète, il ne l'a pas aidé pour qu'il choisisse ses compagnons. Non, pourquoi Allah azzawajal n'a pas aidé le prophète pour qu'il choisisse ses compagnons? Pourquoi le Khomeini, il a été aidé, il a choisi des ministres, des bons ministres, des ministres intelligents, etc. Il a été aidé celui-là. Mais le prophète n'a pas été aidé. Le pauvre, il a choisi Abu Bakr, Omar et Osman. C'est un pauvre. Il a choisi des gens qui ne connaissent rien, des faibles en foi, etc. Pourquoi Allah ne l'a-t-il pas aidé? C'est difficile à Allah pour l'aider, lui dire, attention, ces trois, ils ne sont pas bien. Choisis un autre. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ils ont parlé ensuite des femmes du prophète, ils ont parlé des compagnons, ils ont parlé du Coran, ils ont parlé à Allah. J'ai entendu une cassette, pas vidéo, une cassette qu'on entend comme ça, où quelqu'un il a dit beaucoup de choses. Ensuite il a dit, ne sais-tu pas que Ali, le jour du jugement dernier, il sera au milieu des gens, Allah à droite, le prophète à gauche, et c'est Ali qui dit, toi tu vas au paradis, toi tu vas en enfer, toi au paradis, toi en enfer. Et il a dit, ne sais-tu pas qu'une main est sortie, la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sortie de sa tombe. Et c'est écrit sur la main du prophète, La'natallah alayk ya Amr ibn al-As, La'natallah alayk, tu es maudit, Amr ibn al-As. Ne sais-tu, atal'anu, Amran, tu maudis Amr, tu maudis Ali, alors qu'il t'a créé, atal'anu aliyan waqad khalaqat, tu maudis Ali, alors c'est lui qui t'a créé, tu maudis Ali. Pourquoi on va loin? Ali lui-même, radiallahu ta'ala anhu, les a brûlés quand il était vivant. Quand il était vivant, on lui a dit, attention, il y a des gens maintenant qui disent que tu es un dieu, attention. Ils disent, c'est toi Allah. Il a dit, il les a fait venir, il a creusé de grandes tranchées, il a allumé le feu, il les a jetés à l'intérieur comme des chiens. Ils sont morts comme ça, comme des koufars. Des koufars, pas comme des koufars. Et d'ailleurs, même quand ils étaient en plein feu, en train de se brûler, ils ont dit, maintenant, on a la foi, notre foi s'est raffermée et a grandi. On sait maintenant que c'est toi Allah. Car personne ne brûle avec le feu que Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce que fait le shaitan, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ce que fait le shaitan des gens. Nous, on dit quoi? On dit alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On aime tous les compagnons. Nous, on aime tous les compagnons. Et on préfère qui? On préfère les quatre khalifas. Ensuite, on commence par préférer Abu Bakr Siddiq, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali, ensuite tous les autres compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puisqu'il reste seulement 5 minutes, et 5 minutes a dit, Aqbil wa adbir, wa taqi d-dubura wa l-hayda. Aqbil wa adbir, wa taqi d-dubura wa l-hayda. Hadith bon, an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Les juifs ont dit que si jamais quelqu'un, ils ont dit aux musulmans, bien sûr, autrefois, ils ont dit aux musulmans, si quelqu'un, quand il fait le rapport avec sa femme, en faisant le rapport, il vient par derrière, s'il va avoir un enfant, il va être borgne. يكون أحول. S'il va avoir un enfant, il va être borgne. C'est comme ça qu'on dit les juifs. Ils ont dit si quelqu'un fait le rapport avec sa femme, mais au lieu d'être de face, il vient par derrière, mais il fait le rapport, d'où sort l'enfant, bien sûr. Ils ont dit qu'est-ce qu'il va avoir, le bébé, il va être borgne. Ça veut dire, comme on dit en arabe, on dit أحول. On dit أحول. فالله عز وجل les a démentis. Il a montré que ce sont des menteurs. Il a dit نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Le prophète Hassan a dit ce hadith أقبل وأدبر واتق الدبر الحيضة. Allah Azza wa Jalla les a démentis. Il leur a dit, il a fait descendre un verset en plein sorte Baqara où il est dit نساؤكم حرث لكم. Vos femmes sont des champs pour vous, sont vos champs. فأتوا حرثكم, labourez vos champs. Plutôt il va loucher, non, il va loucher, il va louche. Yani, il va voir double, comme on dit, Awar, c'est quelqu'un qui voit double. Born, yani, c'est quelqu'un peut-être qui a un œil yani, écrasé. Voilà. Il a dit, vos femmes sont vos... Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saut. Fais saut ou la main fiche. Non, alaikum salam. J'ai fermé la mauvaise image. Allah Azza wa Jal a dit nisa'ukum harthun lakum, vos femmes sont vos champs, labourez vos champs quand vous voulez, dans quelle position vous voulez, à condition que ça soit seulement dans l'endroit où sort l'enfant. Dans l'endroit où sort l'enfant. Quel est le dalil? Le dalil, c'est qu'il y a des hadiths qui disent que c'est interdit de faire ailleurs que de l'endroit où sort l'enfant. Et deuxièmement, ça se trouve dans le verset lui-même. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit nisa'ukum harthun lakum. Il a dit vos femmes sont vos champs. Ce qu'il a dit, labourez vos champs. Quand quelqu'un laboure un champ, il va mettre quelque chose à l'intérieur de la semence et ça va donner du blé. La même chose, donc toi, tu vas mettre quelque chose dans la femme, ça va donner des enfants. Donc, pour que ça donne des enfants, il faut que tu mettes dans un endroit spécial. Si tu mets dans un autre endroit, ça ne va pas donner d'enfants. C'est pour ça que l'Azéo a dit, il a dit hart, il a dit ce sont des labours pour vous, c'est un champ de labour. Ça veut dire quiconque ne laboure pas ou n'a pas ou bien met sa semence dans un autre endroit, celui-là il a fait un haram, il a fait bien sûr un grand haram. Car l'Azéo a dit labourez vos champs, et le laboureur il met la semence dans la terre et la terre donne le blé. La même chose, l'homme met quelque chose dans la femme et la femme dans l'enfant. Donc il y a un seul endroit de la femme qui donne quoi? Qui donne le blé. Un seul endroit de la femme qui est un champ, bien sûr. Tous les autres endroits, ou le deuxième endroit, disons, ce n'est pas un champ. C'est pour ça que le prophète, ici, il a dit, bon, pour expliquer ce verset, il a dit, Aqbil wa adbir. Il a dit, si tu veux faire avec ta femme, tu es libre. Que tu viennes de par devant, de par derrière, tu es libre. Et que tu viennes d'en face d'elle, ou de son dos, tu es libre. Mais il faut que la semence soit mise dans l'endroit où sort l'enfant, c'est tout. C'est pour ça qu'il a dit Aqbil, Aqbil wa Adbir. Viens par avant, viens de face, viens de derrière. Wattaqi ad-dubur wal hayda. Mais il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, mais attention à ce que quelqu'un fasse la chose hadith par derrière. Attention, il a dit, wal hayda. Et attention que quelqu'un fasse avec sa femme quand elle a les menstrues. Il a dit, attention, ces deux-là. À part ces deux-là, la femme n'a ni les menstrues, ni. Il fait par derrière, il est libre de faire avec la position qu'il veut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, beaucoup de hadith, il a dit الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة. Un cheikh al-Albani al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fera avec sa femme ce qu'on appelle anal, pas par devant, mais anal, celui-là, Allah azza wa jal ne le regardera pas le jour où il le rencontrera. Vous savez, quand Allah Azza wa Jal se détourne de quelqu'un, lorsqu'il le rencontrera, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de très très grave. Imagine-toi seulement, toi, tu fais une petite faute, tu vas chez ton père, il se détourne. Tu vas chez ta mère, elle se détourne. Tu vas pas dormir des nuits et des nuits. Comment faire pour qu'il se retourne une autre fois vers toi? Maintenant, c'est Allah Azza wa Jal qui s'est détourné, il veut plus te voir. Comment faire pour faire retourner Allah? C'est impossible. Donc celui pour qui? Pour celui qui fait avec sa femme par derrière au lieu de faire dans l'endroit où vient l'enfant. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, j'explique. Il n'est pas interdit de venir derrière la femme de son dos et de faire un rapport avec elle, mais par devant. De derrière par devant, c'est possible. Mais nous, on est en train de parler le haram, c'est de derrière par derrière. Voilà ce que je veux dire, afin que ça soit, inshallah ta'ala, bien compris. Il a dit, la yunduru Allah ta'ala ilayhi yawm al-qiyamah. Allah azza wa jalla ne regardera pas quelqu'un qui fait un rapport avec sa femme par derrière. Par derrière, dans le derrière. Voilà ce que je veux dire. C'est clair. Barakallahu fik. Parce que c'était très important. Parce que je regrette de le dire, mais beaucoup de gens le font. Je regrette de le dire. Il y a même des frères et des sœurs qui le font. Oulayyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit, Min ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Quiconque va chez une voyante, par exemple, que ce soit un homme, le voyant ou une voyante, il va chez un voyant et il lui dit ça, ce qu'il a dit est vrai. Il dit Nam, ce qu'il a dit est vrai. Si quelqu'un va chez un voyant et il dit ce qu'il a dit est vrai, ou bien, toujours le hadith dit, ou bien, Ata imra'atan ha'idan ou Ata imra'atan ki duburiha. Qala. فقد برئ بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث اللي دون صحيح الالباني لا حول ولا قوه الا بالله الى دي كيكونغ va aller chez un voyant ou une voyante ensuite il va le croire ou bien quiconque va faire un rapport avec sa femme quand elle a les monstres ou bien quiconque va faire un rapport avec sa femme par derrière celui-là فقد برئ بما انزل على محمد celui-là il s'est désengagé du Coran que Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunnah. Khalas, celui-là il s'est désengagé. Pour lui c'est comme s'il n'y a ni Coran ni sunnah. Il n'y a pas d'islam, khalas. Il n'y a pas d'islam, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Tellement yani, c'est grave, tellement c'est grave. Et bien sûr, il y a un autre hadith aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, où il a dit, mal'oun, mal'ounun man ata imra'atahu fi duburiha. Il a dit, mal'ounun man ata imra'atan fi duburiha, jazakallahu khair. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mal'oun, et maudit, et maudit celui qui fait avec sa femme par derrière, et maudit celui qui ne fait pas à la place, à l'endroit de l'enfant, mais il fait par derrière celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est maudit. Quand je dis il a dit il est maudit, ça veut dire que bien sûr elle aussi elle est maudite. La femme qui fait cela avec son mari et accepte, elle est maudite. Pourquoi? Parce que si vraiment elle aimait Allah subhanahu wa ta'ala, elle lui aurait jamais permis. Si elle aimait Allah azza wa jal, elle lui aurait jamais permis de le laisser faire. Même quitte à quoi? Quitte à demander le divorce. Et bien sûr, dans un cas pareil, si une femme ne divorce pas, c'est elle qui va avoir des péchés dans un cas pareil. Si elle accepte de rester avec lui et lui la force à faire cela, elle n'a aucune raison devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'Azza lui a dit, moi j'avais ouvert toutes les portes du divorce. Ceux qui veulent le divorce, je suis là, j'écoute. Donc toi tu as une cause comme celle-là, il n'y a pas une cause plus grande que celle-là. Mais la femme elle dit, non, moi c'est mes enfants et je peux pas, je ne peux rien faire. Et ensuite lui, le lendemain, il lui achète une parure et une chaîne en or et il lui fait oublier. Quand elle a oublié, elle accepte encore une fois. Celle-là elle est maudite quand elle rencontrera Allah Azza wa Jal. Il ne regardera pas de son côté. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Je vous demande aujourd'hui spécialement de poser vos questions, inshallah ta'ala, à mon frère Abu Anas et à nos deux sœurs qui n'ont pas les points. Comme ça, je crois que c'est la meilleure façon, parce que je commence à, ça me devient difficile de vous donner ensuite l'autre. Il n'a pas parlé ensuite la deuxième question qui vient après l'autre ici. Maintenant, les sœurs. On voit inshallah ta'ala l'Ukht Sakina et l'Ukht Abdullah, et les frères, on voit au R Abdelkader Ilyes inshallah ta'ala, et moi je regarde ici après le classement. Je lis la première de Mouhadir, ensuite Umnouwaf, ensuite et ainsi de suite. Et si une sœur ne veut pas, par exemple, que Sakina ou bien que Abdullah dise son nom, elle lui envoie et lui dit secret. Donc quand Omar Abdullah et Sakina me colle la question, elle la colle son nom, son pseudo. C'est facile, inshallah ta'ala. On se rencontre dans 5 minutes. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Salam alaikum, j'ai oublié de dire que pour les hommes, ceux qui veulent parler directement avec le micro, c'est pas la peine d'écrire aux frères. Pour les hommes, ils peuvent parler directement au micro, inshallah ta'ala. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi Muhajir Medina, tafadhal. Akhi Muhajir Medina, tafadhal. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je suis pas encore de parler. J'ai pas parlé à Buenos. J'ai pas parlé. Le dire, je n'apprendrai pas le timide et l'orgueil. C'est un hadith, c'est un hadith, vous le trouvez. Ça c'est un hadith, sahih, inshallah ta'ala. Et n'en la yata allaman, fima ma'na. Mutakabber wa mustahin, fima ma'na. Ada, je le chercherai, inshallah ta'ala. Parce que maintenant, je ne peux pas aller chercher. Quand, inshallah ta'ala, je te le chercherai, inshallah ta'ala. Je n'ai pas trouvé où il est à Buenos. Je n'ai pas trouvé où il est. La seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup de frères. Et ceux qui reviennent dans le Minhaj Salafi, ou qu'ils étaient Tablir ou Ikhwani. Qu'Allah s'est habitué leur faire, Inch'Allah ta'ala. Naam. Je compte sur la vision. Sakina, pourquoi tu ne poses pas la question dans la salle? Il a dit la seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui reviennent dans le Minhaj Salafi, alors qu'ils étaient Tablir ou Ikhwani. Quelle nasiha peux-tu leur faire, Inch'Allah ta'ala? Naam. La nasiha que je voudrais leur faire, c'est que celui qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain, ravi de lui, c'est que il doit quoi? Il doit suivre le chemin que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Alors quand vous allez au Tabligh et vous allez au Ikhwan Muslimin, vous trouvez que ils ne suivent pas ce chemin. Ils ont ce qu'on appelle la sincérité, etc. Mais nous on ne parle pas de cela. On parle de, est-ce qu'ils sont sur le vrai minhaj ou pas? C'est pour ça que les grands ulama ont beaucoup écrit sur eux, pour montrer qu'ils ont des déviations, qu'ils ont dérivé, ils ont dévié du droit chemin. Quant au tablir, ils ne demandent jamais le ilm, la science. Pour eux, ils lisent seulement, s'ils lisent, il y a quelqu'un qui lit, et il explique de sa tête. Ils lisent Riyad Salihin. Quelques 3 ou 4 hadiths Riyad Salihin, quelqu'un explique de sa tête, bien sûr. Et ils vont sortir 40 jours ou 1 mois, 2 mois, 3 mois dans des pays pour faire rentrer les gens. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et il se base sur un verset, Balliru anni walou aya. Balliru anni walou aya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais envoyé des gens, ceci, cela, pour faire venir les gens. Ensuite, quand ils font des choses, ils sont pleins de bid'a. La plus grande bid'a, c'est qu'ils ne connaissent pas le tawhid. Nous, on a été créés que pour adorer Allah. La meilleure adoration, c'est de faire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils ne connaissent jamais le tawhid. Pire encore, ils demandent aux morts. Ils demandent aux morts, ils font des invocations aux morts, etc. Et leur grand chef, qui se trouve en Pakistan ou là en Inde ou là, c'est pas où, celui-là, c'est quelqu'un qui dit il est possible de faire des doigts aux morts, etc. Donc ils sont pleins de shirk et pleins de djihad et ils ne connaissent rien du minhaj. Et ceux qui les ont côtoyés savent cela. Ceux qui apportent quelqu'un qui est du tablir, dis-lui combien, ça fait combien d'années que tu es dans le tablir. Il te dit 10 ans. Dis-moi, dis-lui, donne-moi 5 hadiths ou 6. Le Bukhari, qu'est-ce que ça veut dire hadith mursil, qu'est-ce que ça veut dire hadith mu'adal, qu'est-ce que ça veut dire hadith mawquf, qu'est-ce que ça veut dire hadith marfou. Parle-moi un peu de usul fiqh, parle-moi un peu de tawhid, les différentes sortes de tawhid. Il croira, quand tu lui diras cela, il croira que tu es en train de parler en chinois. Il va dire parle-moi en arabe, je ne comprends pas le chinois. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais entendu parler de choses, ces choses-là, qui sont pourtant très très très très obligatoires pour yani avoir la réjouissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux ikhwan, leur but c'est quoi? C'est d'arriver au fort en haut, yani au chokm, d'arriver à tenir le pouvoir. Ensuite, prétendent-ils, quand ils ont le pouvoir, ils vont faire la sharia. Et nous on dit, donnez-nous un des prophètes. Combien qu'il y a? 124 000, 125 000. Donnez-moi 124 000, donnez-moi un seul. Je lui ai enlevé le point rouge, Donnez-moi un seul des 124 000 qui a commencé par le pouvoir et qui n'a pas commencé par le tawhid. Donnez-nous un seul des 124 000 qui a commencé par le pouvoir et n'a pas commencé par le tawhid, ils vont pas trouver. Donc, il faut être sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et commencer comme a commencé lui. Et suivre son vrai chemin. Sinon, on devient égaré, il faut qu'on soit égaré. On n'a pas d'autre solution. Et les ikhwan, mal-asaf, l'un de leurs plus grands défauts, c'est de ne pas parler du tawhid. Ils ne sont pas très intéressés par le tawhid. Ils parlent du tawhid du pouvoir, tawhid al-qusur, tawhid les pas, ils appellent. Ce n'est pas tawhid al-qubur. Et vous voyez comment ils n'insistent pas beaucoup sur la sunna. Vous voyez un frère musulman, par exemple, en plein Paris, par exemple, avec un kamis. Vous avez vu un frère musulman à Paris, dans les Champs-Élysées, avec un kamis. S'il y a quelqu'un qui a vu, il me le dit. Je vais l'écrire parce que ce sera quelque chose de surnaturel. Je vais le noter tel jour. Dites-moi tel jour, à 10h du soir, j'ai vu quelqu'un avec un kamis des Ikhwan musulmans. Ça, on ne l'a jamais vu. Ils ne s'intéressent pas à la sunna. Ils te disent tout ça, c'est des futilités. Le kamis, le siwak, tout ça, moi je le mets sous mes pieds, c'est des futilités. Enfin, ils ont beaucoup de fautes, Inch'Allah Ta'ala, on en reparlera en temps voulu. Oum Nouef, tafadbali. Non, salam alaykoum wa rahmatullah. Je suis une femme de monde là, khula. Et plusieurs mois plus tard, celle-ci veut revenir avec son mari. Elle doit refaire l'acte de mariage, sachant que c'est la première fois qu'elle le demande. Salam alaykoum wa rahmatullah. Je suis une femme de monde, le khula. Plusieurs mois plus tard, c'est la même question. Madullah, tu as écrit la même question. Elle veut revenir avec son mari, doit-elle refaire l'acte de mariage, sachant que c'est la première fois qu'elle le demande. Quand une femme fait le khula, maintenant par exemple, elle l'a fait aujourd'hui. Elle attend, parce qu'elle l'a fait, ça y est, ils sont séparés. Elle va chez elle, elle attend que la période de menstrues vienne et parte. Quand la période de menstrues est terminée, elle se lave. Si elle veut revenir à son mari, elle revient avec un acte de mariage, le wali et deux témoins. C'est comme si elle allait se remarier, c'est la première fois qu'elle allait se marier avec lui. Voilà. Et ce qu'elle a fait, ça veut dire que ça ne compte pas comme divorce. Ça veut dire quand elle revient avec lui, il peut encore la divorcer trois fois, car cela ne compte pas comme divorce. Wallahu ta'ala alam. Wendahal Abu Ansad, je vais le chercher encore dans la liste. Quel est le suivant, Inch'Allah, qui a la question à poser? J'ai pas trouvé dans la liste. Ensuite, il y a une sœur qui dit: Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je compte faire la hijra dans très peu de temps. Je compte faire la hijra dans très peu de temps. Allah Azza wa Jalla yuwaffiqaki wa an yaftaha laki yani futuhat min 'indih. Est-ce que je peux commencer la salat musafir? Non, tu ne peux pas commencer la salat de musafir. La salat du musafir, tu la commenceras quand tu sortiras de la ville où tu es pour faire le voyage. Quand tu sors de la ville, Inch'Allah ta'ala, tu commences à faire la prière du musafir. Mais tant que tu n'es pas encore sorti de ta ville, tu es dans la ville, tu ne peux pas commencer la prière de la musafir. Naam. De toute façon, moi je l'ai lu en PV, je l'ai pas lu ici sur la fiche, je l'ai lu en PV. Aladin 093. Non. Je suis en train de chercher Abou Anis, je le trouve pas. Fadlo Abdallah, pose la question. Pose une seule, parce que j'ai oublié, j'ai pas enlevé le point rouge à Aladin. Pose une seule. Est-ce que l'on peut qualifier une personne de Ikhwaniya, sachant qu'elle est ignorante et ne se prétend pas en faire partie? Mais beaucoup de ressemblances se confondent dans les habitudes de l'éducation mystique ou des repas et plutonique pour une personne d'Ikhwaniya. En fin de compte, quand elle dit je ne suis pas deux, et que elle est, comme on dit, ignorante, si quelqu'un, une femme est ignorante, est ignorant, elle le fait ça par djel, ce n'est pas encore une Ikhwaniya. On dit que quelqu'un, quand il est Ikhwani, quand il les défend, il a lu leur livre, il sait que ces choses-là, eux, ils les font, et ils font la da'wa, etc. C'est comme ça qu'on dit que quelqu'un est Ikhwani. Et quand quelqu'un n'a pas lu leur livre, ou yani, ne défend pas leur chef, etc., mais il fait des choses comme ça, yani, par ignorance, celui-là, Inch'Allah Ta'ala, il n'est pas un Ikhwani, il a des choses que font les Ikhwani, mais il n'est pas des leurs, car il peut même les détester. Wallahu Ta'ala alam. Qui c'est le frère? Je vais enlever le point rouge, le frère. Aladin 093, très bien. Naam. Naam, je ne sais pas pourquoi ils n'envoient pas leurs questions, je ne sais pas pourquoi. Si d'ici il y a quelqu'un qui veut parler, la fois il parle. Aladin a dit, salam alaikum, certaines mosquées en France font la prière d'Isha 1h30 après le Maghreb, alors que la véritable la prière est bien plus tard, en été, le même jour pour le Fajr. Certaines mosquées appliquent les horaires de la mosquée de Paris qui se basent par rapport à l'Afrique. En regardant le ciel lors de la prière, on voit que malheureusement, ce n'est pas encore le Fajr. La question est de savoir s'il faut suivre la Jama'a en allant prier à la mosquée ou bien prier chez soi. Ce que je sais, c'est que d'ailleurs, j'ai répondu à cette question, je me rappelle, plusieurs fois. J'ai répondu à cette question, Inch'Allah Ta'ala, plusieurs fois. Si on sait que le calendrier est officiel, ça veut dire que c'est par exemple Al-Jali al-Muslima. C'est, par exemple, comment on dit Al-Jali al-Muslima? C'est ceux qui sont les responsables, les grands responsables. Vous savez, dans chaque pays, il y a les responsables musulmans, hein, donc qui ont un centre islamique, etc. Si c'est eux qui ont fait cela, le calendrier, toi tu fais la prière avec eux, et c'est eux qui vont avoir le péché. C'est eux qui vont avoir le péché. Maintenant, quand tu as des doutes, tu dis, j'ai des doutes très forts que la salat n'est pas en son temps, dans ce cas, tu fais avec eux, tu fais la prière avec eux, tu la fais nafila. Et tu vas à la maison, tu vas faire l'obligatoire. Quand tu es sûr, tu dis, je suis sûr que ce n'est pas en son temps, tu vas avec eux, tu fais nafila. Tu la fais pas tout seul à la maison, tu dis, khlas, c'est pas l'heure, donc je la fais à la maison. Non. C'est comme le hadith. Tu vas avec eux, tu fais nafila, ensuite tu vas chez toi, tu refais l'obligatoire tout seul ou avec un autre. Quand tu as des doutes forts. Mais si tu doutes seulement, tu dis, peut-être je ne suis pas sûr, fais la prière avec eux, et ce sont eux qui vont avoir les péchés, comme dans le hadith sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Zone Z, ta femme dans zone Z, où est ta question? Abou Aïn, c'est ce qu'on t'a envoyé des questions. Zone 7 a dit la question et la femme qui rentre au paradis dont le mari est en enfer. À qui sera-t-elle mariée au paradis? La question est la femme qui rentre au paradis dont le mari est en enfer. À qui sera-t-elle mariée au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, authentifié par Cheikh al-Albani, il a dit La aziba fil jannah. La aziba fil jannah. Pas de célibataire au paradis. Pas de célibataire au paradis. La zaoujal, vous savez que le paradis est tellement grand que lorsqu'il va rentrer tous les croyants, il y aura beaucoup de place et il restera trop trop vaste. C'est ce qu'il va faire la zaoujal. Il va créer des gens spécialement. Des gens qui ne sont jamais venus dans ce monde, il va les créer, des gens comme nous, comme ça, spécialement directement au paradis. Et Allah Azza wa Jalla ne laissera aucune femme là-bas sans un mari. Car le prophète alayhi salam a dit, La aziba fil jannah. Il n'y a pas de célibataire dans le paradis, que ce soit homme ou femme. Donc il est possible qu'il la marie avec quelqu'un qui a été créé spécialement pour le paradis. Ou bien il est possible qu'il la marie avec un autre homme. Tout cela est possible. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'elle soit sûre qu'elle ne restera pas célibataire au paradis. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit dans un hadith sahih. Il a dit La aziba fil jannah. Hadith authentifié par Cheikh al-Albani. Alayhi rahmatullah. Abdurrahman a dit Je vois sa question ici. Salam. Par rapport aux quatre femmes du paradis, est-ce qu'il y a khilaf entre Fatima et Aïcha? Dans les quatre femmes du paradis, Aïcha radiallahu ta'ala n'est pas citée. Aïcha radiallahu ta'ala n'est pas citée. Mais elle a bien sûr d'autres mérites, de très grands mérites. C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. L'une de ses femmes, bien sûr. Elle a beaucoup de mérites, mais le fait qu'elle ne soit pas citée dans ce hadith, ça ne veut pas dire yani, qu'elle n'a pas de mérite. Elle a d'autres mérites cités dans d'autres hadiths. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu citer ici les quatre, celles qui ont le plus de hadith, de mérite, pardon. Wallahu ta'ala alam. Inch'Allah, le suivant, Muslim Normal, tafadhal. Peut-être qu'il veut prendre le micro. Attends une seconde, je lui donne le micro. Tafadhal Abdul Muslim. Abdul Muslim, peut-être tu n'as pas suivi la règle aujourd'hui, hein. Tu n'as pas compris. J'ai dit que les hommes, si je leur enlève le rouge, c'est pour parler, qu'ils parlent au micro. Sinon, ils doivent écrire à Abou Anas. Ils envoient la question à Abou Anas, comme ça pour que ça aille vite. Regarde combien je dois attendre quelqu'un pour lui enlever le rouge. Alors que normalement, s'il avait envoyé, déjà les questions sont prêtes. Il est interdit à quiconque de faire ce que tu viens de dire. je l'ai dit, ah, ma'alish, pardon, ma fi haraj, inshallah. Je l'ai dit, akhi Abdul Muslim, je l'ai dit hier, je l'ai dit plusieurs fois, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُهُمْ. Allah dit, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُهُمْ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ الْعَادُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, faire les désirs, c'est interdit en islam, sauf avec ta femme. Sauf avec ta femme, le mot Kilyamin, les femmes qu'on a dans les guerres, etc. Il a dit, celui qui veut, à part sa femme, ou bien à part autre chose, celui-là, il a transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, premièrement, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il n'y a pas de femme, on n'a pas d'argent. Est-ce que on va se castrer ou la s'encastrer ou la année, on va enlever les trucs comme ça, on va plus avoir de plaisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, n'a pas accepté. Et quand il a dit essayez le jeûne, non, ça n'a pas marché, je vais te dire pourquoi. Il a dit essayez le jeûne. Les ulama ont dit, si ce que tu viens de dire était permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait montré. Il n'a pas dit allez au jeûne, faites le jeûne, si c'était permis. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam te cacherait quelque chose qui était permis? Pourquoi? Est-ce qu'il a été envoyé pour cacher les choses? C'est permis. Mais il a dit, c'est interdit. Pourquoi? Je vais dire une chose. Parce que nous, si on faisait comme a dit le Coran, lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jalla, وَلِسْتَحْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَحًا حَتَى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Il a dit, ceux qui n'ont pas trouvé le mariage, qu'ils ne fassent pas le haram, qu'ils fassent des doua, etc., qu'ils reviennent vers moi, jusqu'à ce que je vais leur faire une solution. Jusqu'à ce que je vais les enrichir. Quand il va les enrichir, ils vont trouver la femme, bien sûr. Toi, Inch'Allah Ta'ala, si tu reviens vers Allah avec sincérité, tu es rangé par les désirs, je vais te dire pourquoi. Parce que, il y a beaucoup de gens, je ne parle pas de toi maintenant, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ce sont eux qui sont fautifs. Pourquoi? Parce qu'ils regardent des films, parce qu'ils regardent les femmes, parce qu'il regarde les photos, parce qu'il regarde je ne sais pas quoi. Ensuite il dit, je ne parle pas de toi Abdel Muslim, ensuite il dit, moi je ne peux plus me retenir. Naam. Si nous, on s'était allé détourner toujours, retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le Coran, vers Talib al-Ilm, vers la Sunna, vers les mosquées, vers aller à l'Omra, à ceci, on aurait oublié les autres choses. Maintenant si quelqu'un, c'est lui qui va s'asseoir en face de la télévision, il va voir un film de haram, un film osé, un film de sexe. Ensuite, il va dire, ah, là, je ne peux plus me retenir. C'est normal, celui-là, il a fait deux grands péchés. Le premier péché, c'est d'avoir vu. Le deuxième péché, n'avoir pas trouvé de solution et d'être allé vers le haram. C'est pour ça que, yani, surtout ceux qui sont mariés. Surtout ceux qui sont mariés et qui font ces choses-là, ça devient aussi plus grave. Pourquoi? Parce que l'Azéogé lui a donné yani l'issue et la voie, et il a laissé le halal, il est allé voir le haram. Et ensuite, ce qui est grave aussi, c'est que quand il voit des choses pareilles, l'homme, quand il voit des choses pareilles, ensuite il va chez sa femme, en fin de compte, il ne veut pas sa femme. Il veut celle qui était avec lui à la télévision. Il va, comme j'ai dit une fois, il va seulement jeter ses ordures chez sa femme. C'est pas sa femme qu'il veut en réalité. Même quand il est avec sa femme en train de faire le rapport, entre ses yeux, c'est l'image de celle qui était à la télé qui est devant lui. C'est pas l'image de sa femme. Donc, sa femme qui croit que, non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il a vu là-bas qu'il est venu. Sinon, il ne cherche pas sa femme, lui. D'ailleurs, pourquoi il voit celle, il la voit à la télé? Pourquoi il la voit? Il la voit parce que, yani, il voudrait être à la place de l'homme. Il voit un homme, une femme. Il voudrait, yani, il désire. Ça lui plaît. Il voudrait même être à la place de l'homme, s'il pouvait. S'il pouvait, il aurait été à sa place. Donc celui-là, c'est ceux qui font comme ça, c'est où l'ayyadou billah, ils ont fait un grand péché, qu'ils fassent le repentir très très vite. En ce qui concerne Abdel Muslim, j'ai pas dit que c'était zina. C'est une sorte de zina. Celui qui fait avec sa main, c'est une sorte de zina. C'est pas une zina. Si c'était une zina, on l'aurait quoi? On l'aurait fouetté sans coup, ou bien on l'aurait lapidé s'il était marié. Mais le gouverneur, si on lui dit quelqu'un fait beaucoup de choses, cette chose il a fait beaucoup, il peut le, par exemple, le mettre en prison ou bien lui faire yani quelque chose pour qu'il lâche cette mauvaise habitude, pour qu'il laisse ça. Ensuite, quand cette habitude prend l'homme, entre parenthèses, même la femme, quand elle prend l'homme, ensuite même marié, mal asif, même marié n'aura pas, il n'aura pas plaisir avec sa femme. Marié, ça lui dit rien sa femme. Il voudrait qu'il fasse cette chose. Là, c'est devenu chez lui une habitude. Inter Abdul Muslim, c'est Inch'Allah un peu la prière la nuit quand les gens dorment. Allah Azza wa Jalla descend. Demande-lui, dis-lui Allah, je suis très malade, je peux pas. Aide-moi. Allah Azza wa Jalla ne va pas te laisser. Reviens vers Allah avec sincérité. Tu vas voir Inch'Allah Ta'ala qu'il va t'aider et qu'il va t'ouvrir ses portes. Inch'Allah Ta'ala. Naam, à force de faire cela, ça devient un grand péché. Naam. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'ouvre ses portes, tes deux prières la nuit, deux rakats, et tu verras qu'Allah Azza wa Jalla va te faire oublier. Mais toi, yani, c'est pas tu vas regarder des choses, tu vas dire il m'a pas aidé. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est saut. Naam. Est-ce qu'il y a des questions, Wesmak? Est-ce qu'il y a des questions? Là, je passe à Abou Aliya. Est-ce qu'il y a des questions? Abou Aliya, tafadhal. Attends une seconde. Attends, Abou Aliya, tafadhal. نعم تفضل ابو علي لو temps que tu écrives inchallah taala je donne à muslim kola le temps que tu écrives j'attends inchallah ta question تفضل muslim kola تفضل Il y a le frère musulman qui veut poser sa question en face de la porte. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Comment que je vais faire? D'accord. Pour les problèmes d'angoisse, insomnie et manque d'appétit. Et du shirk d'aller voir un psychologue pour s'en aide. Et du shirk de prendre des médicaments pour dormir et manger. Enfin, les médicaments qui prennent des effets, comme la corde, par la prière de vous qui s'est prié assez. Par la prière de vous, cela vous donne encore plus de haine. Est-ce que c'est le frère qui m'a écrit en email, hein? Il m'a écrit dans ma boîte et m'a raconté yani, que yani, il a dit ah c'est lui hein? Non. C'est lui. Non. Celui-là, je voudrais lui dire. Est-ce que lui il m'entend, Muslim Kola, lui il m'entend ou là comment? Parce que j'avais noté une fois ici quelque chose, je ne sais pas si je l'ai ici. Non. Ah, tu enregistres. Oh là, je voulais lui répondre une fois. J'avais noté même des choses ici, maintenant je ne les ai pas trouvées parce qu'il n'est pas venu le jour où j'ai voulu lui répondre. Je suis en train de chercher où se trouver la ligne. Chauffe. Je voudrais lui dire quelque chose de yani pour sa question sur le péché. Naam, sur le péché grave à l'âge de 16 ans, etc. Il avait fait un péché grave, etc. à l'âge de 15 ans. Mais maintenant, il m'a dit ce qu'il a fait. Naam. Il m'a pas dit, moi aussi, il m'a pas dit. L'essentiel, c'est pas qu'il nous dise, l'essentiel, c'est qu'on lui cherche la solution, Inch'Allah Ta'ala. Moi, je voudrais lui dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Salat salam ala Ashraf al-Mursalin. Je voudrais lui dire que celui-là, s'il continue, d'après ce que j'ai lu dans l'email là-dedans, s'il continue comme ça, walayadu billah, il est fort possible qu'il se suicide. S'il continue d'après ce que j'ai lu. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Pourquoi? Parce que le shaitan a trouvé en lui une proie, une victime comme il ne va pas en trouver ailleurs. Non, il m'a dit aussi moi. Il m'a dit une fois, j'ai vu de la fenêtre d'un ami, j'ai voulu me jeter. Donc celui-là, yani le Ouswes, de jour en jour, il grandit chez lui. Et il veut quoi? Et il veut que, à la fin, il se suicide et il va mourir comme ça, il va rentrer en enfer. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque se suicide avec un couteau, etc., il sera en enfer en train de se frapper éternellement, etc. Quiconque se suicide avec un poison, il sera en enfer avec le poison en train de le boire éternellement, etc. Donc celui-là, nous, on lui donne, il y a deux ou trois conseils. Le premier conseil, il faut que tu saches que malgré le péché que tu aies fait, malgré le péché que tu aies fait, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce péché ne vaut rien, rien du tout devant le repentir. Quand tu fais un repentir sincère, tu as fait le plus grand péché, Allah Azza wa Jalla te pardonne. Est-ce que tu connais toi un grand péché que de tuer les compagnons du prophète? Un péché que de vouloir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Combien de compagnons a-t-il tué? Il n'était pas au rang des kuffars. N'a-t-il pas entretué le prophète? S'il l'avait pouvé, ne l'aurait-il pas tué? Mais tout cela, Allah Azza wa Jalla, pour eux, c'est rien. Il dit pourquoi? Ils ont fait le repentir. Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala, est devenu quoi? Safe min suyufullah. Safe. Une épée des épées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ce qu'il avait fait. Donc toi, le shaitan veut te dire que, quoi? Que Allah Azza wa Jalla va pardonner à tout le monde sauf à toi. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que tu connais toi quelque chose de plus grand que le shirk? Le shirk. Vous savez ce que c'est que le shirk? Le shirk, yani l'association. Il n'y a pas chez Allah subhanahu wa ta'ala plus grand que l'association. Et pourtant, maintenant, quiconque a fait l'association, a porté une croix sur le cou, a été à l'église, a fait une prosternation à la statue, et il a dit Jésus c'est le fils d'Allah, et il a dit Maryam, staghfirullah, il a dit c'est la femme d'Allah, staghfirullah. Et malgré cela, il se repentit, inna l'islam, l'islam efface tout ce qui était auparavant, et le repentir efface tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans un hadith sahih authentique, Qudusi, il a dit, si tu me viens le jour du jugement dernier, tu me viens avec des montagnes, pas avec des kilos, des montagnes de péchés, je te viendrai avec des montagnes de hasanat. Je viendrai. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est que tu aies fait de repentir. Maintenant, toi, Akhi Karim, toi, sauve-toi. Ne te laisse pas guider par le shaitan. Il a juré à Allah d'essayer de nous faire tous rentrer en enfer. Il a juré. Toi, sauve-toi. Il veut te faire rentrer en enfer pour ne plus ressortir. Il veut que tu sois un soldat à lui. Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, t'a pardonné ce péché. Allah Azza wa Jalla, t'a effacé ce péché. Allah Azza wa Jalla est réjoui de toi pour avoir fait le repentir. Maintenant, toi, pour un peu yani, te sentir bien, il faut sortir de ta solitude. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit shaytan ma al wahid wa huwa min ithnain ab'ad. Il a dit le shaytan est avec quelqu'un qui est seul. Dès que tu es seul, il y a le shaytan. C'est lui qui vient te seconder. Donc essaye d'être avec tes frères. Essaye de faire les prières à la mosquée. Essaye d'aller écouter les doros. Essaye de lire les livres. Essaye au maximum de ne pas rester seul. C'est Inch'Allah Ta'ala l'issue qui va te faire sortir de la chose là où tu es. Maintenant, si tu restes seul, c'est toi qui veux les problèmes. Car le prophète a dit, inna shaytan ma'al wa'd. Il a dit, le shaytan est avec quelqu'un qui est seul. Donc ne soyez pas seul. Celui qui a des problèmes, qu'il soit toujours avec quelqu'un. Sois avec tes frères. Va à la mosquée faire la prière avec les gens. Lis les livres, écoute les doros, et tu vas voir, inshallah ta'ala, comment tout va changer d'un jour au lendemain. Wallahu ta'ala, a'lam wa ahkam. Yasmina a dit, Oksakina, inshallah ta'ala, seulement une parenthèse. Quand je suis en train de parler, essaye de ne pas afficher quelque chose pour me dire, pour rester concentré. Sinon, je parle et je lis. Ourti, salam alaikum Ourti. Je suis la femme de 5,91. Il a la main levée et sans faire exprès, j'ai fermé sa session et j'arrive pas à baisser sa main car j'ai pas son mot de passe. Il est à la mosquée, est-ce que tu pourras prévenir le chien, Inch'Allah ta'ala? Yani, c'est-à-dire que 5,91, non, je, khalas, 91, Inch'Allah, on va pas lui donner la farhatta jusqu'à ce qu'il vienne, Inch'Allah ta'ala. Non. Fika barakallah, muslim kola, fika barakallah, Inch'Allah ta'ala. Abu Mouad 42. تفضل. خون الميكرو أبو معاذ بارك الله فيك. خون الميكرو. جوا فاكي سي أبو أحمد والله. Ensuite, où est la question de Abu Ali? Ça fait longtemps qu'il m'a dit je pose la question à Abu Ali. J'ai pas vu sa question. Abu Ali, j'ai ah d'accord. Il y a 3 ans, j'ai entendu la même parole que vous avez citée lors du DAF qui est la suivante. Qu'il n'y a à Allah, qu'il n'y a qu'Allah qui châtie par le feu. J'aimerais en connaître le délit, si possible, Inch'Allah. Est-ce que les néons bleus électriques qui servent à électrocuter les insectes volant rentrent dans cette parole? En ce qui concerne cela, Akhi Abu Ali, c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih qui chez l'Albani et les autres, où il dit « La yu'adhibu bin nar illa rabbun nar »« La yu'adhibu bin nar illa rabbun nar » C'est à peu près en ce sens, et c'est un hadith sahih, Inch'Allah ta'ala. Pour la deuxième question, est-ce que les néons bleus électriques qui servent à électrocuter les insectes volant rentrent dans cette parole? Wallah, franchement, je ne connais pas la réponse, mais je ne crois pas que ça rentre. Je ne crois pas que ça rentre, mais Inch'Allah ta'ala, je voudrais d'abord demander et te rendre la réponse. Je voudrais Inch'Allah demander, Inch'Allah ta'ala, te rendre la réponse. Mais je ne crois pas sincèrement que ça rentre. Ou si j'ai du chir au cœur, vous m'avez dit que vous me demanderez. Naam, c'est qui le chir? Rappelle-moi. Rappelle-moi c'est quel chir. Ou si j'ai du cheikh au cœur. C'est quel cheikh, barakallahu fi? Ah, naam. Ça, je t'avais dit, tu parles de Oussama al-Khoussi. Est-ce que tu parles de Oussama al-Khoussi? Sauf si c'est lui. Est-ce que tu parles de lui? Naam. Je t'avais dit, peut-être que tu m'as pas compris ou là je me suis pas bien expliqué. Je t'avais dit que, attends-moi un peu pour te répondre, c'est-à-dire, quand je vais aller, Inch'Allah, cette semaine ou là, à la Umrah, dès que je viens, je te réponds, Inch'Allah. C'est là-bas que je demanderai et j'apporterai quelque chose de solide pour que je ne parle pas sur les gens sans avoir de ilm. Hein, peut-être que les gens ont dit quelque chose de les ulama ont dit quelque chose de bien de lui. Moi, je vais dire qu'il n'est pas bien. Et peut-être le contraire. Peut-être qu'il n'est pas bien, je vais dire suivez-le. Alors, Inch'Allah ta'ala, je viens de là-bas et je te dirai, Inch'Allah ta'ala. Patiente seulement encore un peu, Inch'Allah ta'ala, et tu auras la réponse. Wallahu ta'ala alam. Abu Mu'ad, tafaddal, barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Cheikh, je vais peut-être poser une question à laquelle vous avez déjà répondu, Allahu a'lam, parce que j'ai pas pu suivre tous les cours à tous les moments à cause des. Enfin, parce que j'étais soit à salat, soit j'étais occupé. Donc Inch'Allah, moi Cheikh, ma question, c'est, ça concerne les récents événements, donc ce qui se passe en ce moment et les persécutions que les musulmans y subissent. Donc à cause de ces événements, on voit les khawarij, les takfiri qui s'agitent, on voit aussi les soi-disant savants d'Al-Azhar qui appellent au djihad. Donc moi Cheikh, ma question c'était, est-ce que vous pourriez nous rappeler les conditions du djihad, puisque le djihad est une adoration et on sait que toutes les adorations donc possèdent des conditions, afin de nous éclairer un petit peu, Inch'Allah, sur cette adoration, et afin que les musulmans ils soient mis en garde contre tous ces chizbes qui appellent au djihad à tort et à travers son aïn. Barakallahu fik, Cheikh, et salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. tu m'as malheureusement posé ta question lorsque j'ai terminé. C'est-à-dire que parler avec le djihad, c'est un peu long, ça a tellement de conditions, de détails. Mais je voudrais donner moi un signe seulement, un signe en ce qui concerne le djihad, pour mes frères et mes sœurs, pour qu'ils soient, yani, s'ils perdent le chemin, je leur montre la boussole, c'est tout. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de l'antéchrist, Messie Dajjal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, subhanallah, il a dit, il a un œil. Il a un œil. Allah Azzawajal, il a dit, n'est pas awar, n'est pas awar. Donc il leur donne des signes. Il leur donne des signes. Messie Dajjal, il a un œil. Est-ce que quelqu'un peut-il être Allah et avoir un œil? Un œil, c'est un défaut. Donc si le Messie Dajjal, c'est Allah, pourquoi ne s'est-il pas guéri? Pourquoi ne s'est-il pas soigné? Pourquoi ne s'est-il pas enlevé ce défaut? Donc voilà une preuve, si c'était Allah, Allah peut tout faire. Allah va nous venir avec un œil. Donc tu regardes le Messie Dajjal, tu dis Alhamdulillah. C'est pas Allah. Allah, il a deux yeux. Celui-là, il en a un. Si c'était Allah, il aurait enlevé ce défaut. Moi, je vous donne un signe. Quel est le signe? C'est les ulama, les grands ulama. Est-ce que moi, ou la Hadat al-Azhar, ou la Ben Laden, ou la X, est-ce qu'il est plus alim que Al-Sheikh, et que le Fawzan, que Sidlan, et que ces grands-là? Sûrement pas. Alors toi, si tu entends ces grands-là dire c'est le djihad, si tu ne pars pas au djihad et tu as les autres conditions, tu as un grand péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'entends pas cela dire c'est le djihad, toi, ne va pas au djihad et demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui diras ce sont eux qui m'ont pas montré. Les grands ulama n'ont pas voulu dire c'est le djihad. Moi, j'ai lu dans le Coran de la Sunna qu'il fallait suivre les grands ulama. Ils n'ont pas dit le djihad, alors ce sont leurs fautes, rentrer en enfer. Voilà toi ce que tu fais. Tu as c'est la grande boussole. Dès que tu entends les gens parler ici, djihad, djihad, djihad, djihad, dis attends, attends, je vais voir. Prends vite le téléphone. Allô, Cheikh Al-Fawzan, barakallahu fik, est-ce que c'est le djihad? Allô, Salah Al-Sheikh, est-ce que c'est le djihad? Allô, Abdelaziz Al-Sheikh, pardon, je voudrais savoir, est-ce que c'est le djihad? C'est tout. S'il te dit c'est le djihad, prends vite le kaba et pars. S'il te dit non, mon fils, c'est pas le moment, ne suis pas cela. Non, mon fils, le djihad a des choses, a des soeurs. Là, tu n'es pas la peine, il n'y a aucun djihad, ni walahum yahzanun. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Inch'Allah, on a dépassé le temps de 5 ou 6 minutes. On se rencontrera demain, Inch'Allah ta'ala, dans le fiqh, dans le cours du fiqh. Quiconque a encore d'autres questions importantes, elles ne sont pas arrivées, il m'enverra, Inch'Allah ta'ala, dans la boîte, je lui répondrai. Ibn Taymiyyah, Hotmail. Ibn Taymiyyah, Hotmail. Hotmail.com. Hotmail.com, je lui répondrai, Inch'Allah ta'ala, dans la salle. Je voudrais savoir, je demanderai à Omar Abdallah et les sœurs aussi de me dire, ça fait très longtemps que je ne vois pas deux ou trois sœurs. L'une d'elles s'appelle Ourtifillah. Je la vois plus dans la salle. L'autre s'appelle l'Ankabout. Je me suis demandé, Inch'Allah ta'ala, qu'elles sont bien, qu'elles vont bien, qu'il n'y a rien, Inch'Allah ta'ala, qui s'est passé. Si vous avez de leurs nouvelles, vous les envoyez, Inch'Allah ta'ala. Naam, subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. J'ai besoin de toi, Inch'Allah ta'ala. Il y a aussi une soeur qui m'aide et s'appelait Safisti ou la Safifi ou la quelque chose comme ça. Si vous avez de leurs nouvelles, Inch'Allah vous me dites. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.